le sable s'ouvre et les flammes nous guident. Il est Ryderski et nous sommes la cendre. Ils ont cru que le feu s'éteindrait, mais il était sous la terre vivant. Ryderski, tu reviens dans le champ et nos pieds martèlent ton serment. Ce n'est pas une prière, c'est un ordre sacré. Chaque frappe de tambour brise les chaînes de la réalité. La tempête se lève dans nos tripes et chaque monde ombrait Ryderski s'inscrit. Non pas dans l'air, mais dans l'os, pas dans la lumière, dans l'ombre féroce. Une main sur le cœur, l'autre sur le sol. On ne prie plus, on impose la loi des brasiers. Ryderski, nous sommes tes flammes, tes avatars dans les sables sacrés. Pas d'icône, pas de couronne, juste le feu et la voix. Se tord sous les battements, ce n'est plus une cérémonie, c'est l'accouchement d'un mythe vivant. Les hurlements des anciens résonnent dans nos crânes. Ils disent marcher, brûler, chanter jusqu'à ce que le sable saigne. Nous les crierons dans nos...